Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Marie-Claude Dionne vient de nous dire comment les humains, depuis des milliers d'années, transforment le territoire par l'usage du feu. Aujourd'hui, il est difficile de trouver sur la Terre une portion de territoire non transformée par l'homme. Même sur un territoire immense comme le Canada, où pour l'exploitation minière ou forestière, des cours d'eau ont été endigués, harnachés de ponts et qui transforment leurs cours et leurs écosystèmes. Alors, il y a pourtant une loi fédérale pour protéger les voies navigables, mais la portée de cette loi se rétrécit dangereusement. Alors, pour nous en parler, je reçois Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, comme tu l'as dit, le Canada, c'est un grand pays qui est parcouru par de nombreuses rivières, qui est parsemé de plusieurs lacs d'eau douce. C'est d'ailleurs une richesse très précieuse qui est riche en biodiversité, mais qui est aussi fragile. Mm-hmm. Et malheureusement, depuis le début des années 2000, la protection fédérale des pêcheries et des voies navigables est vraiment en déclin au Canada. Et c'est un professeur de droit de l'Université de Calgary qui s'appelle Martin Olinsky qui a sonné l'alarme récemment. Ce dernier a entre autres constaté un abandon de la protection de l'habitat du poisson et une diminution de la surveillance environnementale qui est effectuée par Pêche et Océan Canada, dont c'est la responsabilité. Mm-hmm. Donc, M. Olinsky a conclu que les changements à la législation environnementale qui ont eu lieu en 2012 n'avaient pas pour objectif de réduire les formalités administratives comme le gouvernement l'a laissé entendre à l'époque, mais plutôt d'abaisser la barre en matière de protection environnementale. Uh-huh. Et il a fait une analyse statistique des changements qui ont été apportés aux lois et aux procédures environnementales par le gouvernement conservateur. Et ça laisse donc croire que Ottawa a à toute fin pratique abandonné les tentatives de protéger les lacs et les rivières du Canada. C'est donc après avoir passé une énorme quantité de données, des dizaines de demandes d'autorisation, que le professeur de l'Université de Calgary a présenté ses conclusions dans un article qui est publié dans le Journal of Environmental Law and Practice. Et dans cet article, Mélanie, quelles sont les conclusions que tire le professeur Olinsky? Il explique d'abord qu'en 2004, le gouvernement a décidé de minimiser la surveillance des projets qualifiés « peu risqués », mm-hmm, et ce qui a réduit de moitié le nombre de projets qui étaient soumis à une évaluation. Ou à une surveillance, c'est ça. Exactement. Donc, une seconde baisse dans le nombre des demandes d'autorisation a été aussi constatée après 2012, année où les conservateurs ont modifié les lois environnementales. L'analyse du professeur démontre que des fonctionnaires octroient des autorisations sans avoir vu les plans de développement pour résoudre les problèmes soulignés, et même si la loi fédérale exige que les 10 plans soient approuvés avant que le projet puisse poursuivre. Mm-hmm. Donc, au niveau législatif et administratif, les avertissements et les infractions ont vraiment beaucoup diminué au cours de cette période. Forcément. Hein? Exactement. Donc, ça passe à peu près de 300 à 50, tout comme le temps alloué à cet effet aux employés, on parle plutôt du côté administratif, qui ont consacré à l'époque 35 000 heures et maintenant, c'est à peine 10 000. Okay. Énorme baisse. Là. Vraiment. Et de plus, en 2012, le budget de Pêche et Océan a été réduit de 80 millions et une seconde coupe de 100 millions est prévue au cours des 3 prochaines années. Tu nous as mentionné au début de ta chronique qu'en 2012, la législation environnementale a été modifiée par le gouvernement fédéral. Oui. Alors, peux-tu nous expliquer en quoi cet événement va changer la donne dans la protection des cours d'eau? Quel impact que ça va avoir? Vous avez peut-être déjà entendu le nom du fameux projet de loi C-45. Ça a été adopté par la Chambre des communes en décembre 2012. Il comporte à peu près 400 pages et modifie un assez bon nombre de lois et de règlements au niveau de la protection environnementale. Mmh. Il revoit notamment la loi sur la protection des eaux navigables en retirant la protection de la loi à des centaines de lacs et de cours d'eau. Pour te donner une idée, avec ces changements-là, il y a seulement 97 lacs, et là je parle au niveau canadien, okay, dont seulement 4 au Québec, qui sont protégés, et 62 rivières qui ont tombé, sous la protection de cette nouvelle loi-là, alors qu'on est très conscient qu'il existe des dizaines de milliers de lacs et de rivières, non seulement au Québec, mais dans toutes les provinces. Mais même au Québec, je pense qu'il y en a 900 000 lacs. Oui. C'est ça. Donc, c'est rien, 4, c'est ridicule. C'est ça. À l'origine, cette loi assurait une protection minimale aux dizaines de milliers de cours d'eau du pays en imposant l'obtention d'un permis du ministère des Transports pour construire des barrages, des quais, des ponts, etc. Et donc, est-ce que la protection de l'environnement est compromise depuis l'adoption de ce projet de loi? Ben, selon le gouvernement fédéral, la protection de l'environnement n'est pas compromise. Ouais. C'est très questionnable. C'est ça. Comme tu vas voir ce que je vais apporter comme élément. En effet, les lacs sélectionnés, oui, ils présentent pas de susceptibilité particulière à la navigation. C'est souvent des lacs de plaisance. Mm-hmm. Il n'y a pas vraiment de fragilité exceptionnelle d'un point de vue écologique non plus. C'est pour ça qu'ils se sont dit, ceux-là, ils ne seront pas assujettis à la loi, finalement. C'est ça. Mm-hmm. Et peu de temps après l'adoption de cette loi, ça, c'est très intéressant, tu vas voir, il y a plusieurs journalistes canadiens qui ont fait la remarque que 87 des 97 lacs dont je te parlais tout à l'heure, qui sont maintenant protégés, ben, ils sont dans des circonscriptions qui ont élu des députés conservateurs aux dernières élections fédérales. Donc, quel hasard! Comme par hasard, oui. Pour te donner un exemple, dans la circonscription en Ontario de Parry Sound-Muskoka, c'est là où siège Tony Clement, qui est du Parti conservateur, ben, seulement dans cette circonscription-là, il y en a 12 lacs. OK, sur 97, là. C'est quand même une bonne moyenne. Oui. Et dans cette douzaine, on retrouve, par exemple, le lac Rosso. Ça, c'est un lac, c'est en fait le site de villégiature des stars d'Hollywood, des gens du hockey professionnel, des magnats d'affaires, bref, est très populaire. Mm-hmm. On n'est pas surpris qu'il soit sur cette liste-là. Mm-hmm. Et comme tu le disais tout à l'heure, le Québec, à lui seul, compte environ 900 000 lacs. Puis là, tantôt, on a dit qu'on en protégeait 4. Mm-hmm. C'est pas une très bonne moyenne. Mm-hmm. Et cette nouvelle loi... protège les 4 lacs qui présentent aucune fragilité écologique particulière. Ce qui est dommage parce que les Laurentides, il n'y a aucun lac protégé. C'est surtout dans le sud du Québec, les lacs qui sont protégés. Ah, mais dans 4. Les Laurentides, là, il y a 14 000 lacs. Il n'y en a aucun qui est visé par cette loi. Et depuis 1882, la loi sur la protection des eaux navigables avait pour but de protéger les droits des Canadiens et des Canadiennes de naviguer les rivières, les lacs, les cours d'eau, sans rencontrer d'obstructions causées soit par des ponts, des barrages, des oléoducs, de l'exploitation forestière, d'autres développements industriels. La navigation et l'environnement sont vraiment assez étroitement liés. Protéger la navigation, ça favorise la santé de l'environnement. Et c'est pour ça que la loi sur la protection des eaux navigables a toujours été un outil très utile pour la protection de l'environnement. Et avant que la loi C-45 ne soit passée, le Canada avait 2,5 millions de lacs et de rivières de protégés avant 2012. Aujourd'hui, c'est 99% des cours d'eau et des lacs qui n'est plus sous protection. Donc, on abandonne complètement. Tout à fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme a souligné le professeur de l'Université de Calgary, le gouvernement a grandement abaissé la barre en matière de protection environnementale. Et quand on commence à gratter un peu, ben on commence à comprendre pourquoi. Comme je te donnais l'exemple tout à l'heure du lac dans la circonscription de l'Ontario, c'est un peu louche. Effectivement. Très intéressant, Mélanie, qu'un professeur de droit se soit quand même penché sur les conséquences environnementales de cette loi. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Mélanie. On se revoit dans quelques semaines. Oui. Alors, on part en pause publicitaire sur CKRL et on vous revient après avec Moussa Falor.